Caprice de lecture sur Fadjet, animée par Sarah. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission de Caprice de lecture où je reçois aujourd'hui une invitée d'exception, mais toute proche de chez nous, parce qu'il s'agit de Noëlla Kali. Bonjour Noëlla. Bonjour Sarah. Je suis ravie de vous recevoir aujourd'hui. Moi de même. Avec grand plaisir, vous êtes une auteure très prolifique et je suis très contente de vous recevoir dans les studios de Fadjet. Moi également. Alors, l'émission se décompose, comme d'habitude, autour de 5 questions qui vous sont entièrement dédiées, où on va parler de votre parcours, votre envie d'écrire, le pourquoi aussi vous écrivez, c'est important. Oui. Et on sera entrecoupé de 2 coupures musicales que vous avez choisies et vous expliquerez à nos auditeurs pourquoi vous avez choisi ces musiques-là. Mmh. On terminera par le caprice de la semaine, donc, que je vous présenterai. Est-ce que vous êtes prête, Noëlla ? Je suis prête. Alors, on y va. Noëlla, vous avez à votre actif 14 livres. Oui. Vous n'arrêtez jamais d'écrire. Non. On a discuté là juste avant, c'est comme dormir ou manger, voilà. C'est un besoin vital. Exactement. Mais comment vous est venu ce besoin, parce que ça devient un besoin, et cette envie d'écrire? Je pense que c'est inné. Depuis toute petite, j'ai ce besoin d'écrire tout ce que je pense, tout ce que je ressens. Là, c'est une certitude que l'on m'écoute. Avec l'écriture. Vous pensez que l'écriture vous permet de faire passer des messages qui restent, du coup, parce qu'ils sont écrits? Tout à fait. D'accord. Alors, vous m'avez confié être née sur un bateau à Varangéville. Oui. Donc, ça donne déjà un petit peu une idée de vos envies d'évasion dans vos histoires. Mais vous écrivez dans quelles conditions? Est-ce que vous avez un horaire précis? Est-ce qu'il y a un endroit chez vous ou pas que vous affectionnez plus particulièrement? Comment ça se passe quand Noëlla Kali se dit « ce matin, je vais écrire » Comment ça se passe? Alors, le matin, je me retrouve dans mon bureau, okay, devant mon ordinateur. Donc, une pièce dédiée? Ah oui, uniquement. D'accord. Pour l'écriture. Et donc, à ce moment-là, je retrouve mes personnages de la veille. Et c'est parti, je ne connais jamais la page blanche. Donc, vous les retrouvez comme si c'était des amis, oui, que vous retrouvez. Oui, c'est ça. Et vous arrivez à vous replonger tout de suite, pas de page blanche, rien. Vous savez ce qui va leur arriver? Parfois, je ne sais pas. C'est eux qui me conduisent vers une trajectoire différente de celle que je m'étais fixée. D'accord. C'est surprenant, mais je suis dirigée parfois vers un autre chemin. Alors, est-ce que vous avez du coup un plan d'écriture au départ ou est-ce que vous avez vos personnages et après, c'est l'aventure? C'est plutôt ça? C'est-à-dire, j'ai le départ, j'ai la fin. Ok. Et entre les deux, c'est un peu eux qui me dirigent, les personnages. D'accord. Quelquefois non, quelquefois oui. Ah oui, donc ils sont très humains. Oui. Déjà dans votre esprit. Tout à fait. Quand vous écrivez. Ouais. Alors, on va faire notre première coupure musicale. Vous m'avez avoué avoir un faible pour Monsieur Pavarotti. J'adore. Voilà, donc c'est plus qu'un faible, chers auditeurs. Elle adore. Et donc, nous allons écouter le morceau que vous avez choisi, La Traviata. Pourquoi plus spécifiquement ce morceau? Est-ce que c'est lié à une partie de votre histoire personnelle ou Je l'écoute depuis très longtemps. Non, c'est quelque chose qui me fait vibrer, on va dire. D'accord. Exactement. Donc, Monsieur Pavarotti, faites vibrer Noëlla avec la Traviata. Merci. On se retrouve juste après. Merci. Thank you. Godiam fugace rapido, è il gaudio dell'amore, è un fior che nasce e muore, né più si può godere. Godiam, ci invita un fervido accento lusinghiero. Caprice de lecture sur Fadjet. Nous poursuivons notre belle aventure avec Noëlla Cali qui est toujours parmi nous. Ça va Noëlla ? Très bien. Ok. Alors Noëlla, vous êtes une auteure pleine de surprises parce que vous écrivez aussi de la poésie. Oui. Vous m'avez gentiment ramené votre recueil de poésie qui s'appelle « Un vent de poésie souffle sur Nancy ». Il y en a un que j'aime beaucoup qui parle du dentiste parce que j'ai très peur du dentiste. Alors, comment on arrive à combiner le roman, la poésie ? Est-ce que ça vous vient, comme on le disait précédemment, d'écrire comme ça ? Ou est-ce que ça vous demande peut-être une autre mise en situation ? Et pour qui, la poésie ? Alors, la poésie, c'est quelque chose de spontané. Une pensée qui vient et qui, automatiquement, je l'écris sur le papier. D'accord. Tandis que le roman, c'est quelque chose qu'il faut rechercher, recorriger, travailler, qui demande beaucoup plus de temps que la poésie. La poésie, vous l'écrivez en une fois ? Instantanément, presque. Et vous touchez le lecteur en plus, instantanément. Ah oui. Ah, c'est chouette. Alors, justement, vous êtes un peu multifacette. Quelles sont vos sources d'inspiration ? Par exemple, pour votre dernier roman qui s'appelle « Les forces du destin », quelles sont vos sources ? Alors, les sources d'inspiration viennent de mon entourage, de la nature. D'accord. De ce que j'examine, je regarde, je contemple les arbres, l'eau, la nature, tout me parle. Vous êtes une observatrice de la nature. Je suis très, très curieuse. Et de l'humain, du coup. Et de l'humain. D'accord. Par la même occasion. Donc, c'est ce qui vous permet de construire vos personnages, oui. Leur donner vie. Il n'y a pas une petite part d'autobiographie, quelquefois, dans les personnages ? Toujours, on va dire, il y a un petit quelque chose de nous, quand même, qui ressort. Il y a un petit peu de Noëlla chez vos personnages féminins, peut-être, plutôt. Oui, notamment dans le principal. Oui, bah oui. Parce que les secondaires, je leur attribue pas la trop bonne part. Ah bah, quand même. Quand même. Donc, il y a un petit peu. D'accord. Donc, est-ce que, justement, je rebondis un peu sur ce que vous disiez, vous aimez aller vous balader dans la nature, peut-être prendre le temps, écouter les bruits de la nature aussi. Écouter les oiseaux, tout ce qui m'entoure. D'accord. Et la toute première fois que j'ai écrit donc, un livre, un roman, j'étais au bord d'un lac, le lac Saint-Point, et je regardais les cygnes qui étaient au bord sur le bord de l'eau. Oui. Et j'ai eu une inspiration à ce moment-là, j'ai commencé à écrire. D'accord. Donc, ce qui fait que tout m'inspire. Ah, c'est chouette, parce que du coup, il y a beaucoup d'humain dans ce que vous écrivez. Oui. Voilà. Oui. Alors, on va écouter Yves Montand avec « Les feuilles mortes ». Pourquoi ce morceau, Noëlla ? C'est un petit peu nostalgique, mais enfin, c'est très joli, ça parle beaucoup. Ça me parle bien. D'accord. Alors, on se retrouve juste après les feuilles mortes. Merci. Oh, je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Les souvenirs et les regrets aussi. Et le vent du nord les emporte. Dans la nuit froide de l'oubli, tu vois, je n'ai pas oublié la chanson que tu me chantais. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi tu m'aimais et je t'aimais. Nous vivions tous les deux ensemble. Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais. Mais la vie sépare ceux qui s'aiment tout doucement, sans faire de bruit. Et la mer efface sur le sable les pas des amants désunis. La la la la. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Mais la vie sépare ceux qui s'aiment tout doucement, sans faire de bruit. Et la mer efface sur le sable. Caprice de lecture sur Fadjet. Nous terminons cette émission toujours en présence de Noëlla Kali, que je suis ravie d'avoir reçue aujourd'hui, où nous allons faire le caprice de la semaine, qui est un livre de Victoire Morel qui s'appelle Un autre chemin, qui a été reçu dans les studios de Fadjet pour parler de ce livre et pour lequel j'ai eu un vrai coup de cœur parce que c'est l'histoire d'Henriette en 1949 qui décide de s'émanciper d'un mari qui n'est ni violent, ni alcoolique, ni pauvre et qui ne trompe pas sa femme, mais elle n'est juste pas heureuse dans sa vie, donc elle décide de prendre ses 5 enfants et de partir, de quitter ce mari. Elle demande le divorce, qui ne se faisait absolument pas à cette époque, pour vivre sa vie professionnelle, sociale et culturelle, parce qu'elle n'en peut plus d'être enfermée dans un carcan maternel. Alors pourquoi ce coup de cœur ? Déjà parce que c'est un livre qui est auto-édité, et je trouve qu'il mériterait d'être plus que auto-édité, c'est une vraie histoire familiale. L'échange avec l'auteur a été vraiment fantastique. Et en plus, ça fait écho dans... Voilà, je pense que ça fait écho pour toutes les femmes qui ont envie de sortir un petit peu de ces carcans qui existent encore, malheureusement, encore à l'aube de 2023, et qu'on a un peu besoin de faire sauter. Voilà, il y a une grosse résonance en chacune de nous pour toutes les femmes qui le liront, parce qu'il faut être très courageux en 1949 pour quitter une maison avec tout le confort, aller habiter dans un petit appartement avec 5 enfants et se séparer des 3 plus grands qui iront en pension. Voilà, c'était mon caprice de la semaine. Noëlla, je vous remercie encore infiniment d'être venue participer au caprice de lecture. Je rappelle juste le nom de votre dernier roman qui s'appelle Les forces du destin et votre recueil de poésie qui s'appelle Un vent de poésie souffle sur Nancy. Belle découverte littéraire à tous et je vous souhaite de très belles lectures et à très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.